votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, il est midi à l'horloge de Radio Campus et vous écoutez Angle d'attaque, une émission d'attaque métropole sur 106,6 MHz. C'est possible aussi sur campuslille.com. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Cette émission a été enregistrée le mercredi 23 septembre. Christian et Florent ne sont pas avec nous cette fois-ci. Elle est donc animée par Quentin, Didier, Ludovic et moi-même. Et il n'y a pas d'invité ni d'invité. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'écologie. Plus exactement, de l'écologie selon Macron. Depuis son accession au pouvoir, beaucoup de beaux discours, de mises en scène et de promesses en trompe-l'œil. Mais dans les faits, il apparaît que l'objectif est de ne rien changer au monde d'avant. Et surtout, de ne pas toucher au profit des multinationales. Il y a pourtant urgence face à la dégradation de plus en plus criante du climat et de l'environnement. Alors, en ces 3 ans finalement, quelles avancées? C'est ce que nous aborderons dans cette émission. Toutefois, le plan de relance de Jean Castex avec ses 30 milliards d'euros en faveur de la transition écologique marquerait-il enfin un tournant? Voir. Alors on va voir donc secteur par secteur ce que donne l'écologie selon Macron. Donc d'abord au niveau international, au niveau européen, bon, il y avait la fameuse phrase de Trump, donc Make America Great Again. Macron l'a repris à son compte, mais pour l'environnement, donc Make our planet great again. Sauf que la France est aussi active dans toutes les et parle haut et fort dans toutes les tribunes mondiales et européennes, bien qu'elle soit été absente de la COP24. Mais bon, quand on voit un peu dans le détail, au niveau européen, la France ne respecte pas les engagements qui ont été pris à l'accord de Paris sur le climat, donc qui date de 2015. Dans le cadre d'actions en matière de climat et d'énergie d'ici à 2030, comme tous les États membres, la France est tenue d'adopter un plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ça s'appelle le PNEC, donc c'est la déclinaison nationale des accords de l'OMS, et donc, enfin de l'OMC, donc pour la période 2021-2030. En avril 2020, la France ainsi que 5 États membres n'avaient toujours pas remis leur projet définitif, donc leurs objectifs. Et plutôt que de respecter ses objectifs initiaux, le gouvernement a choisi de relever le budget carbone pour cette période, ce qui lui permettra d'émettre plus de CO2 que prévu, alors que selon l'OMS, la pollution de l'air est quand même responsable de 500 000 décès par an en Europe, dans le monde, en Europe, et 48 000 rien qu'en France. Mais bon, dans ce domaine-là, l'écologie selon Macron, c'est un peu comme autant des indulgences avec les émissions carbone qui seront compensées par des plantations d'arbres, donc c'est un peu ce qu'on appelle le « greenwashing ». Avec la formule, on peut polluer en gros tant qu'on veut, sauf que, bon, polluer, mais essayer de compenser donc tant que vous le pouvez, mais bon, c'est pas une remise en question d'un travail en profondeur pour la planète. Il y a un parallèle intéressant sur ce point de vue-là, puisque la France, donc déjà, dès le départ, dit que sa réduction de CO2 qu'elle avait annoncée, elle est en train de revenir dessus en disant bon bah cette fois-ci on le fera pas, mais promis plus tard on réduira notre CO2. Et le parallèle est assez cocasse, on va dire, parce que comme tu disais au début, la formule Make our planet great again, c'était pour critiquer la politique de Trump sur l'écologie. Et justement, en fait, la politique de Trump sur l'écologie, c'est de dire on ne fera pas moins de CO2 aujourd'hui, on le fera après. Et donc du coup, on se rend compte que la France, malgré une position diplomatique assez forte et en essayant de s'opposer à Trump, in fine, quand ils sont dos au mur et qu'on leur dit « bah ça y est, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?», la réponse c'est « bah on ne fait pas vraiment et puis on fera plus tard ». Absolument, c'est des réponses dilatoires et c'est bon, on verra bien plus tard, et c'est des objectifs qui sont sans cesse repoussé alors qu'il y a urgence et que les mobilisations pour le climat nous montrent, enfin, tout indique qu'il est grand temps, les incendies, je veux dire, tout ce qui se passe à travers le monde, la banquise, il est grand temps d'agir vraiment dans ce sens, ce qui n'est pas fait. Je me permets d'enchaîner du coup sur une des thématiques qu'on s'était donné aussi dans l'écologie selon Macron, c'est le libre-échange, donc les grands accords de libre-échange. Je demandais à René de jouer ma mémoire pour lister ceux qui sont en cours, puisque du coup on a, si je dis pas de bêtises, le CETA, le Mercosur, mais on en a aussi des récents avec... Oui, alors voilà, il y avait le CETA dont on a beaucoup parlé, et contre lesquels on a pas mal manifesté, nous, et ATTAC, mais il y a aussi le JEFTA, l'accord avec le Japon. Il y a plus récemment encore l'accord Union européenne-Vietnam, mais actuellement c'est l'accord Union européenne-Mercosur, donc avec plusieurs pays d'Amérique latine, qui est l'objet des talents de communication de Macron, puisqu'il avait déclaré l'avoir stoppé devant la Convention citoyenne climat en juin dernier. Et en fait, il n'en est rien, puisqu'on sait que la Commission européenne prépare déjà sa ratification pour peut-être cet automne. En fait, là, encore une fois, c'est comme tu l'illustres, on a un effet de communication, mais on n'a pas d'action, et surtout d'action, entre guillemets, franche. Parce que, par exemple, on a eu l'exemple récemment de Chypre, qui ralentit fortement le déploiement du CETA où le Parlement chypriote a voté. Alors, oui. En principe, d'après les textes, si un Parlement national ou même régional, refusait le CETA, il est caduc. Voilà, donc il faudra voir comment cet exemple-là qu'est-ce que ça va donner dans les semaines qui viennent, mais comment ça va se concrétiser. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que si Macron voulait arrêter l'accord sur le Mercosur, et si l'engagement qu'il a donné devant la Convention citoyenne pour le climat était un engagement d'action et non pas juste de parole, eh ben, cet accord serait déjà enterré, en fait, à l'instant même où il l'a dit. Oui, d'autant plus qu'il y a plusieurs parlements, dont la Wallonie, l'Autriche, qui se sont aussi prononcés contre. Voilà. Donc en fait, dans la logique de la défense du programme écologique du gouvernement, on voit que en fait ces accords de libre-échange qui renforcent la mondialisation et qui sont complètement à rebours par rapport à un retour à une économie de proximité et à remettre en question le fait que voilà une partie de nos biens soit produit à l'étranger, etc. Donc toute cette logique là. Elle est, entre guillemets, enfin toute la logique de progression de la mondialisation via les accords de libre-échange internationaux est anti-écologique, et pourtant, Macron, parfois sans le dire, laisse faire ces accords de libre-échange dont on sait qu'ils sont un véritable écocide, quoi. Oui. Ben, on l'a bien vu avec le CETA, en tout cas, puisque c'est quand même un accord qui était en dehors des clous de l'accord de Paris, justement, et ça n'a pas empêché Macron de s'en faire le thuriféraire et d'insister pour que le CETA soit mis en pratique, puisqu'il y a l'aspect donc tribunaux d'arbitrage qui est un peu laissé de côté, mais le CETA s'applique à 90% actuellement. Et sur le Mercosur, Macron a beau faire la fine bouche, bon, on se demande s'il va pas finalement signer dès demain, quoi. C'est aussi oui, c'est un peu un double jeu. Un double jeu. Alors donc, maintenant, sur le nucléaire et le mix énergétique, alors l'objectif déjà fixé par François Hollande était, mais non démenti, était d'arriver à moins 50% de nucléaire en 2025. Bon, cet objectif est repoussé à 2035 déjà. De plus, dans le cadre du plan de relance, comme on le verra tout à l'heure, 470 millions d'euros seront attribués à la filière nucléaire. Ceci malgré la faillite d'Areva et le fiasco de l'EPR. Quant au nouveau mix énergétique, on ne peut que constater l'incapacité du gouvernement de dévoiler ses intentions en la matière. Puisque de 23% d'énergie renouvelable pour 2023, on passerait à 32% pour 2030. Alors c'est notoirement insuffisant, même pour la Commission européenne. Sur les hydrocarbures et les biocarburants, objectif flou, lointain, élimination de l'huile de palme à l'horizon 2030, en revanche une vingtaine de permis de forage et le maintien des centrales à charbon. Subventions aux énergies fossiles et exonération fiscale avec engagement pour les réduire en 2025 sous l'impulsion timide de la Banque publique d'investissement. Voilà donc. Bah, c'est-à-dire que la sortie des du nucléaire est différée donc d'année en année. Hein, Oui. Et côté énergie renouvelable, c'est quand même les objectifs sont repoussés. Donc, Oui, ils sont toujours. Même pour la Commission européenne, sont vraiment trop modestes. En plus, il y a les permis de forage et le maintien des centrales à charbon qui étaient quand même. Qui sont quand même une indication sur ce que Macron veut. Enfin, sur le côté écologie à la Macron, quoi. C'est... Tout à fait. Alors passons maintenant à l'autre point qui est important, notamment en France, c'est la question de la rénovation énergétique des bâtiments. L'isolation des bâtiments est un enjeu écologique crucial, puisque les bâtiments représentent 45% de la consommation d'énergie et le quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Or, sur un parc de 35 millions de logements, la France compte 7,5 millions de passoires énergétiques. Et en 2017, les émissions du bâtiment étaient ainsi 22% au-dessus des objectifs fixés dans la stratégie nationale bas carbone. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bilan de ce gouvernement ? La politique du gouvernement en la matière s'est concrétisée donc, par un ensemble de mesures donc, qui ont été mises en place donc, par Nicolas Hulot, notamment l'initiative de Nicolas Hulot, et qui permet de rénover 500 000 logements par an. Donc en ciblant particulièrement les passoires thermiques, les logements occupés, notamment par les ménages modestes, et les logements sociaux. Mais il faudra attendre plusieurs années pour voir si ces mesures vont porter réellement leurs fruits. Mais on peut dire que déjà, d'ores et déjà, qu'en claquant la porte du gouvernement donc en septembre 2018, Nicolas Hulot lui-même l'a reconnu, l'objectif de 500 000 rénovations par an était tout à fait réaliste, et beaucoup d'associations pointe le caractère insuffisant donc, de ce plan. Une partie des associations pointe le fait qu'il faudrait entre 700 000 et 1 million de rénovations par an pour atteindre la neutralité carbone, en 2050 en plus. Alors certes, il y a eu quelques avancées majeures, dont un fonds de 57 millions qui a été créé pour financer des prêts garantis à 35 000 ménages modestes et 6 500 copropriétés par an pour tous les travaux de rénovation. Il y a eu également le chèque énergie qui a pu être utilisé pour financer des rénovations donc pour les ménages modestes et qui a été généralisé donc à tout le territoire en 2018. Il y a eu également un accroissement d'un milliard d'euros des aides à la rénovation énergétique pour les logements sociaux donc, qui a été annoncé en mai 2019. Mais là aussi, c'est encore un effet d'annonce parce qu'on ne sait pas du tout si ça sera concrétisé ou pas. Et sur le plan plutôt des reculs sur cet aspect-là, c'est que l'une des principales aides à la rénovation pour les ménages a été donc sévèrement rabotée. En effet, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, a vu son budget divisé par deux en 2019, et donc il ne permet plus de financer que les mesures les plus efficaces pour l'économie d'énergie. Donc effectivement, encore une fois, un bilan en demi-teinte. Donc voilà pour ce qu'il en est pour la rénovation des bâtiments. Didier, sur les transports, oui. Donc, pour la rénovation thermique des bâtiments, si l'objectif était de 500 000 logements dans le plan Hulot, on est actuellement, enfin début 2020, on est à peine à 330 000. Oui, donc ça confirme ce que Hulot lui-même disait, effectivement, que Pardon, il y a peut-être un effet coronavirus aussi, puisqu'on parle de début 2020. Je vois que Quentin se, se fait un défenseur. L'avocat du diable. Il faut insister aussi sur le fait que pour une réelle efficacité énergétique des bâtiments, il faut réaliser ce qu'on appelle une rénovation globale. Et là, toujours pour la même période, on est... enfin, 2019... on est seulement à 33 000 logements rénovés de cette manière, par an. Alors, en sachant qu'on va en parler, il y a le plan, donc le plan de relance qui... Alors avec, oui, il y a voilà, des améliorations... On en parlera tout à l'heure, qui changent peut-être la donne. Potentiel avec ce voilà. plan. Donc sur les transports, on a pris les transports, transports collectifs. Donc avec Macron, c'est quand même la poursuite du démantèlement du ferroviaire au profit du tout camion, avec des suppressions d'emplois, avec des fermetures de petites lignes. On prépare une privatisation du secteur qui est déjà bien entamé, malgré que Castex a annoncé 4,7 milliards donc dans le plan de relance en faveur du rail. Mais il y a aussi un espèce de chantage au personnel. Enfin, en gros, c'est le personnel de la SNCF qui doit quand même être un peu dans le sens de l'entreprise, puisqu'on met le paquet, donc il faut quand même qu'il soit un peu compréhensif. Mais bon, les projets autoroutiers fleurissent, notamment Haute-Savoie, le Toulouse-Castres, le contournement de Strasbourg et d'autres exemples. Pour le transport aérien, donc on ne revient pas sur l'absence de taxation du kérosène et les avantages fiscaux. Donc ça, c'est quelque chose d'établi sur lequel personne ne revient. Donc sans parler de la réduction des vols intérieurs qui avait été demandée par l'opposition, donc à partir du moment où le parcours pouvait être fait en train. Donc ça, c'est aussi passé à la trappe. Et pour les transports en commun, bon, on ne voit pas une forte inflexion vers... ne serait-ce que la gratuité, enfin, ou des gratuités partielles. Même si tout ça dépend quand même souvent des communes et des communautés urbaines, mais disons que la démocratisation des autorités de transport n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc c'est quand même un bilan, qu'on va dire, assez largement négatif dans le transport, malgré des bonnes intentions, notamment sur le ferroviaire, mais qui restent en tout cas... À démontrer. Ce qui est intéressant, je me permets, sur ce sujet-là, c'est l'articulation public-privé, en fait, où comme Macron et l'idéologie du gouvernement poussent à un désinvestissement global de l'État, ils se retrouvent démunis quand le privé ne va pas dans le sens où ils voudraient qu'ils aillent. Donc notamment, par exemple, sur le transport de fret, où on se rend compte qu'en fait... on a largué les amarres et puis on laisse faire, mais on se rend compte que quand on laisse faire, le fret disparaît. Puisqu'en fait, le coût d'entretien de l'infrastructure et le fait que ce ne soit pas un moyen de transport qui est plébiscité d'une façon ou d'une autre dans l'arrangement de l'industrie, etc., ça fait que si on laisse faire, rien ne se fait, en fait. C'est aussi le gros problème que si on s'en tient au coût réel, évidemment, le fret ferroviaire, ça fait des années qu'il est... qu'il est à l'abandon, puisque là, évidemment, le trafic routier, c'est moins cher, mais c'est aussi ça, la planification écologique. Enfin, on a maintenant quelqu'un qui s'appelle Bérou à la planification, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais enfin, c'est aussi des anticipations de ce genre, parce que quand même, pour le climat, c'est désastreux d'avoir des camions sur les routes toute la journée, quoi. Et le fret ferroviaire qui devient à la portion congrue. Mais il y a aussi, de la part du gouvernement, un manque d'investissement dans le ferroviaire qui a conduit à une perte de compétitivité, quoi, il faut employer le terme, du rail, sur quoi les entreprises se sont tournées vers la route, les camions. Et il y a aussi l'abandon par la SNCF, par de certaines pratiques comme les wagons uniques qui intéressaient d'ailleurs un certain nombre d'industriels. Bon, à partir du moment où elle a supprimé ça, ces gens sont effectivement tournés aussi vers la route, les camions. Et puis en réfléchissant, alors tu parles de termes de compétitivité, parce que quand on parle sur le marché, un des leviers principaux, enfin un des leviers mis très en avant par les libéraux pour pouvoir débloquer la situation sur le climat, c'est la taxe carbone. Mais on se rend compte, et on a encore eu l'exemple, c'était Je ne voudrais pas me tromper sur quel COP c'était, mais il y avait eu une rediscussion pour relever le prix de la taxe carbone au niveau international. Il me semble que c'était en 2019, mais encore une fois, ce serait à confirmer. Et où en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin de cette COP, de ce rendez-vous international, personne n'était tombé d'accord sur le fait de relever cette taxe. Et tant qu'elle n'est pas plus haute, les entreprises n'ont pas de signal prix pour leur dire il faut valoriser le train plutôt que le camion. Mmh. Et derrière le signal prix carbone, il peut aussi y avoir un signal prix pollution de l'air, où on va vouloir pousser de plus en plus à dire non, les camions, il y a des zones où ils sont interdits de passer, ils sont obligés de faire des contournements, parfois des grands contournements, et peut-être même taxer carrément l'utilisation de camions en disant oui, mais attendez, là vous êtes dans un milieu urbain, vous ne pouvez pas utiliser 35 tonnes où vous avez des flux importants parce qu'il y a des problèmes de pollution, des pollutions de l'air. Et ça, c'est vrai qu'encore une fois, c'est hors du scope, hors de la vision que pourrait avoir le gouvernement de dire mais non, il faut laisser faire le marché, il faut le laisser faire. Et c'est comme ça qu'on aussi explique qu'il y a un taux de pollution à Lille qui est très important du fait de cette circulation massive de camions. Et il y a aussi et avec aussi un lobby routier qui est quand même assez puissant. À polluer. Le prix du carbone étant très bas, il suffit d'acheter ces droits à polluer pour des sommes importantes. Et voilà. Bon. Oui, alors bien. Maintenant l'agriculture, les forêts et l'artificialisation des sols. Alors, le gouvernement n'hésite pas à promouvoir les accords de libre-échange et à adhérer à la nouvelle PAC agroécologie qui ruine les petits producteurs en encourageant l'agriculture intensive. Par contre, concernant l'agriculture biologique, la suppression des aides au maintien qui avait... on constate en tout cas la suppression des aides au maintien qui avait remplacé les aides à la conversion. Sur les territoires et les zones, zéro artificialisation nette, la volonté de limiter les zones commerciales existe depuis 2018. Alors, des avancées ont pu être constatées, comme pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Europa City, entre autres, mais sauf que bien d'autres chantiers se profilent, par exemple en Loire-Atlantique, au Carnet. Et d'autre part, le gouvernement ne s'interdit pas de donner toutes les compétences aux préfets et de court-circuiter légalement les commissions d'enquête. Les contre-exemples sont nombreux, pour les implantations par exemple des sites Amazon, ou l'élargissement du terminal G4 à Gonesse. Du terminal 4 d'Air France qui serait à Gonesse, alors que c'était justement... le projet Europa City a été abandonné par Auchan, mais bon, apparemment, ils ont fait autre chose. Quoi. D'accord. Il y en a à Loup déjà. Oui, il y avait aussi, pour l'aéroport même, l'aérogare numéro 4 se profile. Également, à signaler, l'accélération de la privatisation de l'Office national des forêts, ou l'ONF, comme on l'appelle souvent. Des modifications législatives entérineront le processus de privatisation en cours et le gouvernement prépare une modification du code forestier pour permettre aux salariés de droit privé d'effectuer des missions identiques à celles des fonctionnaires. De nombreux gardes forestiers dénoncent une gestion productiviste à court terme qui transforme les forêts publiques en usines à bois. C'est un nouveau recul, alors même que le changement climatique exige une attention accrue pour les massifs forestiers français. Il reste les pesticides, et je passe la parole à Ludovic. Oui, alors, je ne vous apprends rien sur le fait que les pesticides... sont massivement utilisés dans l'agriculture, et qui posent d'énormes problèmes pour la santé humaine et la biodiversité. En la matière, le Parlement a effectivement fait quelques avancées, on peut mettre ça à son crédit. en alourdissant notamment en 2019 la redevance pour pollution diffuse et pour décourager donc l'usage des pesticides. Redevance donc qui va permettre de dégager des millions d'euros qui vont permettre de financer les primes à la conversion à l'agriculture biologique. Le Parlement a également prévu de donner la possibilité aux agriculteurs de signer des chartes départementales pour protéger les riverains en cas d'utilisation des pesticides, mais là encore une fois ce sont des chartes, effectivement c'est pas extrêmement contraignant. Et puis on a aussi, toujours pareil dans les décisions qui ont été prises du 2019, on a l'idée que la vente et l'utilisation des stockages de produits élaborés avec des substances non autorisées par la législation européenne est interdite, même pour l'export. Donc, en même temps, on autorise toujours l'épandage de certains pesticides par drone, à titre expérimental, ce qui peut paraître assez étrange. Et puis par ailleurs, et là c'est effectivement quelque chose qui là pointe du doigt, enfin est clairement un recul, en tout cas met en avant effectivement le peu de volonté de la part de ce gouvernement d'empêcher l'épandage, c'est le fait que le Parlement a refusé l'interdiction pure et simple de la publicité pour les pesticides, préférant obliger les fabricants à mentionner les risques. Donc comme si évidemment les utilisateurs des pesticides ne connaissaient pas les risques. Là encore une fois on voit bien l'idéologie libérale, c'est justement de ne pas contraindre les producteurs en agissant à la marge et en responsabilisant les utilisateurs. Et d'ailleurs l'ancien ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, dès son arrivée au ministère, a envoyé un message plutôt favorable aux pesticides, en déclarant, je cite, que les scientifiques devront faire la preuve ou non qu'il y a des conséquences à leurs usages. Donc, laissons presque entendre qu'effectivement, pour lui, les pesticides, pour l'instant, que les scientifiques n'ont pas encore montré le caractère néfaste de l'utilisation de ces pesticides, ce qui est quand même un argument un peu de mauvaise foi, c'est le moins qu'on puisse dire. Par ailleurs, le gouvernement a supprimé par ordonnance les pénalités contre les fabricants de pesticides. Il ne joue pas le jeu des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques en ne faisant pas d'efforts pour favoriser les pratiques économes auprès de leurs clients. Ce qui fait dire donc à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc l'ANSES, qui fait dire que l'action de l'État est insuffisante pour protéger la biodiversité, donc notamment les abeilles et les insectes pollinisateurs, donc contre ces pesticides. Et donc pointant notamment du doigt les dérogations donc trop fréquentes accordées aux agriculteurs pour autoriser donc l'usage de ces pesticides. Donc là encore une fois c'est plutôt un bilan plutôt négatif. Sur la question des pesticides, tout laisse à penser que ce gouvernement est plutôt. Il fait preuve d'un certain laxisme. Lui qui parle pourtant de. Et lui qui ne cesse de parler, d'être autoritaire à l'endroit des délinquants, il est un peu moins sur les producteurs des pesticides. Pesticides qui sont, il y a plein d'études scientifiques qui sont une catastrophe tant sur la santé humaine que sur la biodiversité. Donc, prendre la parole rapidement sur deux sujets qui me semblaient importants, c'était la condition animale et la chasse. Donc sur la chasse, on a déjà plein d'exemples qui nous viennent en tête, la réautorisation de la chasse à la cour, qui est un symbole catastrophique, surtout on a un rappel du royalisme, on est dans des... Le gouvernement assume complètement des symboles qui sont des symboles royaux, qui avaient été abolis parce qu'ils étaient des symboles royaux. C'est quand même quelque chose qui peut laisser circonspect. Après, on peut parler aussi des conditions dans lesquelles sont faites les chasses à la cour, des dangers qui révèlent les chasses à la cour, de la superficie de forêt qui est privatisée ou qui est interdite aux promeneurs et à d'autres usagers parce que il y a ces chasses qui sont dangereuses et dont il faut éloigner les personnes. Mais effectivement, on pense aussi directement au lobby des chasseurs qui est très actif, qui a a priori l'oreille du président, qui a priori l'a toujours et l'a eu à un moment. C'est d'ailleurs l'une des raisons évoquées pour la démission de Nicolas Hulot. Donc on sent vraiment un enjeu comment dire, de logique mise face à face. Et pourtant, d'un autre côté, on a les chasseurs qui se sentent pousser des ailes, se disant eux-mêmes premiers écologistes de France, alors que l'écologie est loin d'avoir reposé sur les chasseurs pour s'exprimer d'un point de vue politique et surtout pour avoir poussé une protection de la biodiversité. Il est toujours amusant de rappeler que la France est le pays au monde où vous pouvez chasser le plus d'espèces protégées. On a un joli record de 18 espèces protégées qu'il est possible de chasser en France, qui est toujours bon de rappeler. Et un autre sujet qui nous semblait aussi important, c'est la question du respect de la condition animale. C'est-à-dire que c'est un sujet de fond qui est présent dans notre société. Nous, à Lille, on sait qu'il y a des dégradations de façade qui sont régulières sur des boucheries. Et on sait qu'en France, il y a assez régulièrement des vidéos qui sortent, notamment de L214, mais d'autres, qui dénoncent les conditions de vie et de mort des animaux dans les abattoirs ou dans les élevages. Sur ce côté-là, le gouvernement prend des mesurettes, avance très très doucement, voire même recule, puisque il me semble qu'il y avait une loi sur l'usage de caméras à l'intérieur des abattoirs qui a été éliminée. Plus globalement, c'est tout le débat sur cette question des conditions du respect de la condition de vie animale qui n'existe pas en fait, qui n'est pas porté par le gouvernement, qui n'est pas porté dans les médias, et cette absence de débat explique à mon sens, on peut en discuter ici, mais explique à mon sens la radicalité dont font preuve certaines personnes sur le sujet, donc de là à franchir un lieu qui est interdit pour pouvoir sortir des images parce que le débat n'existe pas. Absolument. Donc en conclusion, on pourrait dire que quand même, à travers tous les points qu'on a développés, donc le problème avec Macron et son gouvernement, c'est quand même qu'ils sont des virtuoses de la communication, ça chacun le sait, chacun le voit, c'est que nous sommes victimes d'un enfumage permanent, donc d'un flou savamment entretenu. La communication, qui est un terme courant maintenant, c'est souvent l'art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et pour le dire autrement, les mots disent autre chose que ce qu'ils semblent dire. Effet pervers ou voulu, le décalage entre les paroles, les décisions et les faits deviennent un gouffre. Donc saupoudrage de mesures floues et lointaines, ce qu'on pourrait qualifier d'oxymore, écologie de marché, capitalisme vert ou encore greenwashing. L'écologie, selon Macron, ressemble fort à de l'enfumage, de la propagande, voire du marketing, avec un objectif majeur, la fameuse phrase de Lampedusa dans le Guépard, que tout change, faire que tout change pour que rien ne change. Et d'ailleurs, pour compléter cette conclusion, un commentaire du journal Reporter, notamment dans un de ses articles, intitulé « Macron bouffon de l'écologie ». En fait, en matière de politique écologique, et au regard de la gravité de la situation, on peut qualifier M. Macron de bouffon. Bouffon, nous dit le dictionnaire, signifie « comédien qui joue la farce, la pantomime ». C'est bien la comédie que jouent ce président et les sbires qui lui tiennent lieu de cour, de gouvernement et de majorité parlementaire. Prétendre prendre à cœur l'écologie alors que la politique en la matière régresse. Dans les éléments de langage de la majorité macronienne, le texte de la farce qu'ils vont continuer à jouer, il y a, comme l'a avancé le député République En Marche Jean-Charles Collaroy, sur Public Sénat le 12 février dernier, les décisions du gouvernement sur Notre-Dame-des-Landes, Europa City et la montagne d'or en Guyane. L'argument est très intéressant, car si le gouvernement a cédé sur ces points, c'est parce qu'il y a eu une lutte tenace, obstinée, unie, d'activistes, de citoyens, d'élus, pour empêcher la destruction. C'est la leçon à tirer. Il n'y a rien à attendre de spontané chez les bouffons. Il faut leur arracher les gestes nécessaires. L'écologie n'avancera pas par en haut, mais par la lutte pour la vie et contre la destruction du monde. Le sable remplit ma bouche, la pierre a gagné mon front, et je dors, plus rien ne me touche, mon cœur a glissé vers le fond, tiré par des algues invisibles au gré des vagues du désert, où je baigne, ivre de poussière, si submersible. Ainsi parle l'être stérile, dont la froide main tient serrée la baguette magique de pacotille achetée au drugstore d'à côté. Mon âme est couverte de cendres et je n'ai plus rien à donner. Je n'ai pas de cause à défendre, mon violon s'est enrayé. Dans quelle étagère qu'est-ce que j'ai? Bienvenue dans l'enfer de la 5G. Ça fait des dégâts, c'est blagué. Ça nous rend gaga la 5G. Et ses pas l'entraînent sur la route, et ses pieds suivent le chemin, creusé là, à l'abri du doute, entre les lèvres du destin. Creusé là, à l'abri du doute, entre les lèvres du destin. Ça fait des dégâts, c'est pas gai. Ça nous rend gaga la 5G. Dans quelle étagère qu'est-ce que j'ai? Bienvenue dans l'enfer de la 5G. C'était Antoine Thomé, 5G, et maintenant vous pouvez écouter la suite avec Ludovic. Alors parler de politique écologique du gouvernement, il aurait été difficile d'en parler sans mentionner la Convention pour le climat. Et donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc la Convention pour le climat est née de la rencontre improbable, il faut le dire, entre deux choses. D'une part, la stratégie de sortie de crise d'Emmanuel Macron, donc, d'une part, et les propositions donc, d'un collectif des Gilets citoyens qui réclamait, je cite, « la mise en place d'une assemblée de citoyens tirée au sort pour assurer un véritable débouché au grand débat ». Donc le collectif en question est animé par des militants comme l'écologiste Cyril Dion, qu'on ne présente plus, ou la Gilet jaune Priscilla Ludowski, et par quelques experts dont Loïc Blondiot et le philosophe Dominique Bourg. Et donc l'idée c'était de trouver un prolongement politique au mouvement des Gilets jaunes en donnant donc une version écologique à ces revendications. Donc un dispositif donc, qui s'est créé et donc qui a regroupé donc, 150 citoyens qui ont été tirés au sort parmi la population française. Et combine à la fois une innovation institutionnelle théoriquement faite pour élargir la participation politique et un objet relativement limité, en l'occurrence la lettre de mission du Premier ministre qui, je cite, définit les mesures structurantes pour parvenir dans un esprit de justice sociale à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Et il faut bien reconnaître que ça a été plutôt un certain succès. Loin de se comporter en simple instance consultative, en effet, les membres de la Convention se sont au contraire présentés comme une instance supérieure à la représentation nationale et dont l'autorité se fondait à la fois sur leur parfaite représentativité et surtout sur la compétence qu'ils ont acquis au cours de leurs travaux, parce qu'il me semble que c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. On verra évidemment ce qui va en ressortir de tout cela, c'est que on a eu 150 citoyens qui sans doute n'étaient peut-être pas tous au fait de ces questions environnementales et qui ont acquis à la faveur de cette expérience une expertise, en tout cas des connaissances qu'ils n'avaient pas avant. Et rien que ça, c'est déjà plutôt quelque chose de positif qu'on peut mettre au crédit de Macron, même si effectivement on n'est pas dupe de cette, du fait d'avoir choisi cette convention. Je pense que c'était aussi une manière de, voilà, de s'afficher comme, comme quelqu'un qui veut faire qui veut faire de l'écologie et qui et puis c'est pas sa proposition qui prend, et du coup qui se dit voilà, là je gagne du temps, pendant ce temps là c'est un os, je donne un os à ronger aux gens qui disent que je fais pas de l'écologie, et en plus il y a une dimension participative qui est réelle et qui fait que les gens, voilà, vont se dire regardez, voilà, je fais de l'écologie. Alors juste pour que, avant de te donner la parole, donc la convention donc a demandé un référendum pour introduire dans la constitution des modifications de nature considérables. Je vais lister donc les trois modifications. La première modification était d'ajouter au préambule le paragraphe suivant. La conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent des droits de l'homme et de la souveraineté nationale ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun, l'humanité. Première modification qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas négligeable. Deuxième modification qui conduisait à ajouter à l'article 1er qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, un troisième alinéa rédigé qui disait ceci, la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Et la troisième modification, toujours pareil au niveau constitutionnel, souhaitait également un référendum pour introduire dans la loi le crime d'écocide, introduction qui avait été refusée en 2019 par l'Assemblée nationale comme par le Sénat. Donc ces trois modifications, là aussi, sont loin d'être négligeables. Et donc, de tous ces débats, il y a eu moult discussions et on a tiré donc 150 propositions, dont une est passée à la trappe, jugée donc trop radicale pour le gouvernement, à savoir la limitation de la durée hebdomadaire de travail à 28 heures, et donc qui a été rejetée. Qui a été rejeté non pas par Macron, pardon, qui a été rejeté par les participants eux-mêmes, qui craignaient à juste titre un brouillage peut-être de leur message écologique. Ou pas à juste titre, on va dire, on pourra en discuter. Donc au final, 149 propositions qui portent sur des sujets aussi divers que l'alimentation, transport aérien, passant par l'imitation drastique de la climatisation, etc. Donc des propositions quand même qui ont une certaine radicalité. Tu me diras, toutes ces propositions-là, on pouvait les trouver dans différents rapports, mais voilà, là elles émanent d'une instance participative, délibérative, et encore une fois, c'était des gens qui, au prime abord, étaient peut-être pas forcément sensibilisés à ces questions-là, et qui l'ont peut-être été, à la fin, et qui ont permis aussi de donner une visibilité à toutes ces mesures. Alors Quentin, je ne sais pas ce que toi tu en penses. Je voulais réagir quand tu dis à mettre au crédit de Macron l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat. C'est un peu comme mettre au crédit de Macron l'annulation du projet de Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'on lui a un peu forcé la main, et que s'il peut s'en vanter quelques années plus tard, il faut quand même pas oublier qu'on lui a quelque part pas laissé le choix, ou que la contestation populaire avait exprimé quelque chose d'assez fort pour qu'il n'ait pas le choix que d'agir sur ce sujet-là. Après, moi je trouve ça très intéressant de voir la... la mise comment dire la mise en marche l'accomplissement de toutes ces idées de démocratie directe, de tirage au sort et ce qu'on arrive à en tirer, c'est quand même quand même éclairant et très motivant. Pour l'instant, effectivement, il y a comme vous le savez sans doute et comme tu le sais Quentin, il y a déjà trois aspects qui ont été retirés par le président, donc qui a écarté d'une part le référendum sur le crime d'écocide que j'évoquais tout à l'heure, mettant en avant le fait que cette mesure serait sans doute inconstitutionnelle du fait que l'écocide relevant du droit pénal et le droit pénal ne relevant pas du référendum, l'inscription de ce référendum avait des chances d'être perçue comme anti-constitutionnelle. Alors voilà, je ne suis pas juriste, mais en tout cas voilà, c'est l'argument qui a été mis en avant par Macron pour écarter ce référendum sur quelque chose qui est quand même pas négligeable, hein. L'écocide, c'est quelque chose qui a une portée Pourrait donc, s'adresser aux entreprises aussi. C'est... Bien sûr, et qui gêne, évidemment, qui aurait gêné, et c'est sans doute d'ailleurs l'argument, mais c'est pas l'argument mis en avant, mais c'était sans doute l'argument caché qui a fait que ça a été balayé d'un revers de main. Alors, la deuxième proposition qui a été écartée, c'est la proposition de ramener de 130 à 110 km/h la limitation de vitesse sur les autoroutes en disant drôlement que son expérience lui suggérait que c'était là le type de mesure secondaire et qui font échouer les projets les mieux pensés en braquant inutilement l'opinion. Donc là, j'imagine que c'était sans doute pour éviter de braquer effectivement une certaine opinion qui cuise les autoroutes. Bon, ceci dit, il y a des pays où on roule à 110 km/h, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, voilà. Mais bon, encore une fois, on a un gouvernement qui, à 2 ans des élections, s'est dit que ça serait quand même pour le moins impopulaire. Donc voilà. Et puis troisième élément qui a été écarté par le gouvernement, c'est l'idée de subordonner les principes républicains et les libertés à la préservation de l'environnement. Donc là aussi, on peut penser que la liberté de l'entreprise a sans doute prévalu sur la préservation de l'environnement. Un bon gouvernement libéral qui est... ne se sent pas de se couper les ailes. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, on peut imaginer que... voilà. Mais bon, pour l'instant, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire de cette convention. Peut-être qu'effectivement, il y aura... ça va déboucher sur des choses concrètes et qui seront peut-être pas radicales, mais qui auront peut-être une portée importante. On verra. Donc pour l'instant, on va pas... On va être relativement honnête. Moi, je pense que c'est une bonne mesure, mais attendons encore une fois ce qui va en découler dans les mois et peut-être dans... Oui, mais le traitement déjà augure, donne déjà une plutôt funeste augure, puisque en fait Macron récidive ce qu'il avait fait avec le grand débat, c'est-à-dire qu'il propose que tout le monde s'exprime. Alors pour le grand débat, je pense que c'est surtout lui qui s'est exprimé, mais il propose à tout le monde de s'exprimer, alors qu'en définitive, c'est lui qui retient, donc c'est lui qui choisit les différentes propositions qui l'intéressent, qui intéressent sa façon de gouverner et qui intéressent l'idéologie qu'il suit. Donc du coup, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas d'instance supérieure pour contrôler dans les propositions qui ont été faites, lesquelles sont transmises à la délibération de la représentativité publique. Donc du coup, c'est le président lui-même qui dit « bon bah voilà, je décide qu'on écarte ça parce que je décide que c'est ma politique qui prime sur l'expression des citoyens ». Alors certes, on peut argumenter qu'il n'y a que trois mesures sur les 146 qui ont été écartées, 149, pardon, qui ont été écartés, mais le reste des propositions vont passer le crible du Parlement. Là, pour le coup, on est peut-être plus logique dans la représentativité nationale, c'est-à-dire à un moment de soumettre au Parlement le fait d'écrire les lois en lien avec des mesures écologiques. Ça se tient, mais pour les personnes telles qu'ils l'avaient exprimé à l'origine parmi les... donc les la diversité de gilets jaunes, etc., il me semble qu'on parlait beaucoup plus d'un référendum sur ces propositions que d'une délibération parlementaire. Notamment parce qu'il n'y a pas eu de changement de majorité depuis la crise des gilets jaunes, et que du coup, les lois qui ont... Enfin, l'enchaînement, le calendrier politique qui a provoqué la crise de représentativité des gilets jaunes... est toujours présent. Enfin, ces conditions qui ont créé cette crise sont toujours présentes aujourd'hui parce qu'on a le même Parlement, le même gouvernement et le même président. Et ayant le même Parlement, on a aussi les mêmes réactions. Puisque, justement, il faut le dire, alors que la Convention souhaitait que les mises à jour, par exemple, correctives des équipements électroniques soient mises à disposition des consommateurs pour une période de 10 ans, par exemple, donc un amendement qui avait été émis par les députés de la France Insoumise, cette proposition a été rejetée lors de l'examen de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire en décembre 2019, donc par les parlements. Donc. De même que, alors que la Convention souhaitait obliger les producteurs de produits manufacturés à fournir des pièces détachées pendant 15 ans, donc pour éviter l'obsolescence programmée, les amendements similaires ont été rejetés lors de l'examen de la loi relative à la lutte donc contre le gaspillage et l'économie circulaire, visant notamment à prévoir notamment le libre accès aux documents techniques de réparation ou encore à interdire les pratiques visant à empêcher le recours par un consommateur à un réparateur professionnel indépendant ou à l'autoréparation. Voilà. De même que la Convention souhaitait interdire la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre, là aussi, pareil, ça a été rejeté, même si Barbara Pompili... là, elle s'entend depuis quelques jours qu'éventuellement il pourrait y avoir de nouveau des interdictions sur la publicité de certains produits émetteurs en gaz à effet de serre. Mais là, encore une fois, c'est toujours pour l'instant des mots, mais pour l'instant, à voir, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Pour revenir sur l'interdiction de la publicité, c'est vrai que on a une consommation ou des consommations qui ne sont pas écologiques, qui sont issues de cette image publicitaire de rêve, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter cet élément-là parce que j'en ai besoin, mais je vais acheter cet élément-là parce qu'il me donne une image, parce que c'est du luxe, parce que, voilà, toutes ces choses-là. On va penser à la grande voiture ou au SUV. Et en fait, effectivement, sortir de cette logique-là, même si ça semble très justifié d'un point de vue écologique, pour des personnes qui ont un logiciel, entre guillemets, tel que vont être nos gouvernants, tel que vont être le gouvernement Macron, ça veut dire aussi sortir d'un consumérisme, ça veut dire sortir de cette société de consommation, et pour eux, c'est a priori inenvisageable. Et on revient sur une des grandes oppositions, et le en même temps qui ne fonctionne pas de la Macronie, où on peut se dire écologiste et... continuer la croissance à tout prix et la société de consommation. C'est encore une fois deux choses qui s'opposent frontalement et où on sent cette opposition à travers les non-sens ou les non-actions sur des sujets qui sont fortement pointés du doigt. Alors, les activités d'attaque. Alors, d'abord au plan national, appel pour les 25 et 26 septembre, partout dans l'action pour le climat et l'emploi. Les 25 et 26 septembre ont lieu les marches internationales pour le climat et l'emploi. Pour le climat, pardon. Mais parce que la fin du monde et la fin du mois sont un même combat, et que face aux destructions d'emplois et à l'urgence écologique, nous refusons d'opposer justice sociale et environnementale, les organisations membres du collectif Plus Jamais Ça, dont ATTAC, bien sûr, appellent à participer, à multiplier et à faire converger les initiatives et mobilisations locales pour l'emploi et pour l'environnement. Ensuite, un communiqué... Plan de relance du gouvernement, ni social ni écologique. Avec 100 milliards d'euros, Jean Castex annonce une série de mesures pour, pour relancer l'économie française après le confinement. Il ne fait en réalité que satisfaire les demandes du MEDEF sans répondre aux urgences sociales que connaît le pays et à la nécessaire bifurcation écologique. L'orientation générale de ce plan est donc un soutien aux entreprises. Les aides ne sont assorties d'aucune conditionnalité sociale ou environnementale. Pourtant, il y a des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste et autoritaire. et ces alternatives sont crédibles, désirables et réalisables. Les mesures d'urgence du collectif unitaire Plus Jamais Ça, dont je viens de parler, que je viens d'évoquer d'ailleurs, constituent les premières pistes en ce sens. Alors, l'accord UE-Union européenne-Mercosur. Emmanuel Macron doit arrêter de faire semblant. La commission d'experts pour évaluer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, donc Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, a rendu son rapport le 18 septembre. Le constat est implacable, une occasion manquée en matière environnementale et sanitaire, qui devrait accélérer la déforestation dans les pays du Mercosur. Cet accord, qui vise essentiellement à exporter des voitures européennes pour importer plus de viande sud-américaine, doit être abandonné. En juin dernier, devant les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron avait indiqué avoir stoppé net les négociations sur le Mercosur. C'était faux puisque la Commission s'est assurée que cet accord soit prêt pour un processus de ratification qui pourrait débuter cet automne. Alors que 78% des sondés appellent à abandonner ce projet, il est grand temps qu'Emmanuel Macron fasse à Bruxelles ce qu'il affirme à Paris, stopper net cet accord en construisant une alliance d'États membres en mesure de le bloquer dès son examen au sein du Conseil européen et de remettre à plat la politique commerciale européenne. C'est possible. Pardon. Les parlements autrichiens, hollandais et wallons se sont prononcés contre. Le collectif Stop TAFTA Mercosur, avec ses partenaires, appelle les citoyens, organisations de la société civile, collectivités locales à se mobiliser et proposera rapidement de nouvelles initiatives en ce sens. 10 raisons pour ne pas voter la dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes. 31 organisations, dont ATTAC, demandent aux parlementaires de s'opposer à un projet de loi dangereux pour la biodiversité et pour l'avenir de notre agriculture. En total contre-pied avec l'ambition annoncée d'un nouveau modèle agricole respectueux de l'environnement et de la santé, le gouvernement a présenté un projet de loi pour permettre, dès la campagne 2021 et le cas échéant les deux campagnes suivantes, une dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes. Ces néonicotinoïdes ont des effets délétères avérés, inacceptables, notamment sur les insectes pollinisateurs et sur la biodiversité. Des solutions alternatives au recours de ces produits dangereux existent. L'opinion rejette massivement ce recul inacceptable proposé par le gouvernement. Forte de ces raisons, nos organisations en appellent au courage politique et au bon sens des parlementaires en refusant de voter en faveur de ce projet de loi qui, s'il était entériné, serait un recul inacceptable. Menace sur l'ONF, la forêt publique en danger. ATTAC ainsi que plusieurs ONG et syndicats ont adressé une lettre ouverte aux députés demandant la suppression de l'article 33 de la loi Accélération de la simplification de l'action publique, ou ASAP, et l'ouverture d'un débat de qualité sur l'avenir de nos forêts et de l'ONF, Office National des Forêts, je le rappelle. En effet, certaines dispositions de cette loi préparent le démantèlement de l'ONF, menaçant de livrer les domaines forestiers publics aux marchands de bois. Enfin, au plan local, samedi 19 septembre, Roubaix et Tourcoing, forum des associations. Le collectif pour la gratuité des transports publics était présent aux deux manifestations. Pour information du public et signature de la pétition, pour un référendum local d'initiative citoyenne sur la gratuité des transports. Le collectif O, dont la dernière réunion s'est tenue le mercredi 16 septembre, a envoyé un communiqué de presse aux représentants de l'AMEL, les informant des manœuvres financières récentes impliquant Veolia. Veolia étant le délégataire actuel de l'AMEL pour la distribution de l'eau et l'assainissement, le collectif fait part de ses inquiétudes quant aux conséquences de ces manœuvres pour les usagers et interroge l'AMEL sur ses positions et sur le choix de 2016 d'une délégation plutôt que d'une régie publique. La Bresse, enfin, dernière fête avant la fin du monde, dans le cadre de cet événement organisé par la Bresse, qui se déroulera les 2, 3 et 4 octobre, gare Saint-Sauveur à Lille, nous vous proposons une conférence débat le dimanche 4 octobre à 15h. Stratégie du choc ou pas ? En référence à la thèse de Naomi Klein, la stratégie du choc, dans quelle direction, suite au choc de la pandémie et de la crise sanitaire, les idées dans l'air vont-elles nous conduire ? Eh bien, venez nombreux.